Chapitre 6. Jacques était resté figé sur place. La situation était tragique. L'homme le fixait de son regard haineux. Le canon du revolver était toujours braqué sur lui. Il essaya d'expliquer les choses, mais à peine avait-il ouvert la bouche que son adversaire lui intima rudement de se taire. Pour échapper à ses yeux pénétrants, à ses yeux de fou, il baissa les paupières. Comment gagner du temps? Il n'était qu'une cible et cherchait à deviner, une seconde avant, le fatal mouvement du doigt sur la gâchette pour se jeter à terre aussitôt. Ses chances d'échapper étaient faibles. Il allait mourir sans savoir pourquoi. Depuis le début de cette sinistre affaire, les difficultés s'amoncelaient. Une fois de plus, il maudissait la panique qui l'avait amené là, à la place d'un homme mort, pour subir il ne savait quel châtiment. Yvonne était assise sur le large lit-bas quand l'inconnu avait fait son entrée. Sentant que toute son attention était concentrée sur Jacques, elle abaissa lentement ses mains, comme sous l'effet de la fatigue. Il ne sembla pas remarquer son geste. Avec décision, elle se jeta par terre. Son intention était de se mettre en sûreté, abritée par le lit, et, en même temps, de retenir l'attention de l'adversaire, ce qui donnerait à Jacques la possibilité d'une attaque brusque. Jacques devina la manœuvre de la jeune femme au moment même où elle l'exécutait. Attendant donc la réaction de l'homme au revolver, il se tint prêt à bondir sur lui. Mais l'homme ne fit pas ce qu'ils espéraient. Au premier mouvement d'Yvonne, Jacques vit seulement ses pupilles se contracter. Le doigt sur la gâchette n'avait pas bougé, mais il sut cependant que l'inconnu allait tirer. Sans hésiter, il se jeta sur son adversaire. Un vigoureux coup de poing n'empêcha pas le coup de partir. Mais l'arme tomba de la main paralysée par la douleur et la balle alla se loger dans le plafond. À l'instant même où Jacques s'était jeté sur son ennemi, il avait vu apparaître un homme grand et d'allure sportive qui avait désarmé celui-ci en lui tordant le poignet. Maintenant, il avait ramassé l'arme. Un second homme entrait dans la pièce. « Regardez, inspecteur, disait le commissaire Herbeau à son subordonné. C'est exactement le même calibre que celui de l'arme que nous cherchons. » Puis, se retournant vers l'homme qui s'était affaissé dans un fauteuil et semblait à bout de force, il lui dit gravement « Jacques Régnier, je vous arrête pour meurtre et tentative de meurtre. » En entendant son nom, Jacques avait sursauté. Ainsi, malgré ses efforts, la police était sur ses traces 12 heures après qu'il ait fait disparaître le cadavre de Claude Barennes. Pourtant, il constata que ce n'était pas à lui que les paroles du policier s'adressaient. L'inconnu levait la tête, un léger sourire jouait sur ses lèvres. « Tentative d'assassinat, soit, mais je ne suis pas Jacques Régnier. » Le commissaire l'examina avec attention. Non, ce n'était pas là l'homme qu'il cherchait. Dans la fièvre de l'action, il avait pu s'y tromper, mais maintenant, il était obligé de reconnaître que le signalement ne concordait pas du tout. « Alors, qui êtes-vous » demanda-t-il avec un intérêt accru. « Massimo Pellucci. » Cela ne lui apprenait rien sur le drame qui s'était déroulé dans la pièce au moment de son arrivée providentielle. « Monsieur Barennes, demanda-t-il, connaissez-vous cet homme ?» Régnier n'eut pas le temps de répondre. Le regard de Pellucci s'était fixé sur lui. Il était maintenant en pleine lumière et l'homme semblait le voir pour la première fois. Il poussa une sourde exclamation. « Mais ce n'est pas Claude Barennes !» Il se leva. Déjà, les policiers le maîtrisaient. « Laissez-moi regarder cet homme » hurla-t-il. Le commissaire, plein d'intérêt, le laissa s'avancer. « Non, répéta-t-il, ce n'est pas lui. » Se rasseyant, il poussa un rire strident. À cette même minute, la sonnerie du téléphone retentit. Herbeau décrocha le récepteur. « Oui, « Ici, appartement 213, » répondit-il. « Vous dites, Madame Barenne, mais bien sûr, faites-la monter. » Il raccrocha et jeta autour de lui un regard triomphant. Enfin, il allait comprendre ce qui se passait. Les deux hommes semblaient également pâles depuis l'annonce de l'arrivée de Madame Barenne. Un coup discret à la porte. Une femme, très belle, aux yeux d'Espagnol, au port d'actrice, entra. Jacques reconnut aussitôt la femme du portrait. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle d'un ton surpris. Elle posa son regard sombre sur les personnages présents. Herbeau remarqua qu'elle ne semblait pas connaître Barenne. Une lueur se fit dans son esprit. Si Barenne n'était pas Barenne, alors le cadavre mystérieux devait être le sien et l'assassin, l'homme qui se faisait passer pour lui. La jeune femme, ayant découvert le second homme, poussait un cri déchirant. « Massimo, toi ici ? Mon Dieu, qu'as-tu fait ? Dis, tu ne l'as pas !» Elle s'arrêta brusquement. « Où est Claude ? » insista-t-elle. Le commissaire s'était ressaisi. Il offrit un siège à la nouvelle venue et lui demanda « Vous êtes bien Madame Barenne ?»« Oui !» « C'est-à-dire, non, j'avais épousé Claude, mais nous avons divorcé depuis quelques mois. Vous viviez en bon terme avec votre ex-mari, si je comprends bien. Fort bon, nous nous sommes séparés d'un commun accord. Nos existences ne pouvaient concorder. Régulièrement, il m'envoyait ma pension et celle de notre fils. C'est au sujet de ce dernier que j'avais à lui parler. » Il m'avait annoncé son passage et demandé de venir le voir à son hôtel. « Et qui est cet homme que vous nommez Massimo ?»« Oh, lui, c'est un ami que j'ai connu avant mon mariage. Il était chef d'orchestre dans la boîte de nuit où je chantais. C'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré celui qui devait devenir mon mari. » Pelucci ne quittait pas la jeune femme des yeux. Avec quelle tendre ferveur il la contemplait. « Il l'aime, » pensa Herbeau. N'était-ce pas là le motif du drame ?« Cherchez la femme, » dit le proverbe. « Cherchez l'homme jaloux, » ajoutent les policiers. Mais alors, que venait faire dans toute cette affaire l'homme qui se tenait immobile dans l'embrasure de la fenêtre ? Il comprit subitement. « Vous êtes Jacques Régnier, » lui dit-il. « Vous n'ignorez pas, sans doute, que la police vous recherche pour meurtre. »« Je n'ai pas tué, » répliqua-t-il. « L'homme est mort dans mon taxi. »« Il est mort !» hurla Massimo. « Il est mort !»« Alors j'ai atteint le but que je m'étais fixé. »« Cet homme est-il votre complice ?» demanda le commissaire. « Lui, je ne l'ai jamais vu de ma vie. »« Il n'est pour rien dans l'affaire. » « C'est moi, moi seul, qui me suis débarrassé de Barenne que je haïssais. » La femme de Claude eut un gémissement. « Oh, Massimo, tu as fait cela !»« Oui, pour toi, je t'aimais. »« Tais-toi, pauvre Claude !»« Il est mort, ton Claude. Il ne peut plus me narguer avec son bonheur. »« Nous étions divorcés, c'était trop tard. » Qu'importe, je voulais me venger de lui. Depuis le jour où il t'a prise à moi, j'avais juré de le faire. Maintenant, je suis content. » La jeune femme, devant tant de cynisme, s'écroula. Tout de suite, Yvonne se précipita et l'aida de ses soins. « Vous étiez son amie ?» dit faiblement l'actrice en revenant à elle. « Je le savais, il m'avait parlé de vous. Pauvre garçon !» Il était jeune, il aimait la vie, l'aventure. Oui, c'est une fin sinistre, approuva Yvonne. La seule qu'il méritait, insista Pelucci, la seule qui puisse me consoler de sa vie et de sa chance. Oui, j'étais chef d'orchestre au Bluebird, et Valderez Piga, qui n'était pas encore Valderez Barenne, chantait tous les soirs. Je ne sais si j'étais plus épris de sa voix que de sa beauté. elle avait pour moi une vive affection et j'espérais qu'avec le temps, cela deviendrait de l'amour. Un soir, il a captivé, me l'a enlevé pour toujours. Chaque minute de son bonheur, qu'il n'a pas su conserver, a été payée par les minutes de désespoir que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Barène avait emmené Valdérez avec lui en Indochine. Je manquais d'argent pour le suivre. J'ai attendu son retour. J'avais payé un homme, là-bas, pour me tenir au courant de sa venue dans la capitale. Barène était un homme d'ordre. Il avait décidé, à son départ, l'hôtel où il descendrait et savait à quelle heure il arriverait à Paris. J'étais à la gare, au train de 7h10. D'abord, je crus qu'il ne débarquerait pas ce soir-là. Il sortit le dernier. J'étais dans ma voiture. Je suivis le taxi qu'il avait pris. Un embouteillage me permit d'arriver à sa hauteur. Je me penchai, tiré par deux fois. Avant de retomber, il eut le temps de me voir. J'étais vengé de mon bonheur perdu à jamais. Pendant ce récit, le commissaire avait examiné le revolver de Pellucci. 3 balles manquées. L'homme avait dit vrai. Mais alors, le chauffeur. À votre tour, expliquez-vous, lui dit-il. Jacques n'hésita pas. Il dit toute la vérité. Vous avez eu de la chance, remarqua le commissaire, que l'homme soit venu une deuxième fois pour tuer Barène. Au fait, pourquoi êtes-vous venu ? Demanda-t-il à Pellucci. On dit que le lieu du crime exerce un attrait irrésistible sur les assassins. Ce matin, poussé par un étrange désir, je vais m'installer dans le hall du Claridge. Dans ce hall luxueux, où jamais, lui, mon ennemi, ne mettrait les pieds. J'y étais depuis un moment quand un employé s'approcha de moi. Je détonnais, sans doute, dans ce cadre pour riche. « Vous attendez quelqu'un ?» me demanda-t-il avec une politesse forcée. « Oui, en effet, » répondis-je. Une sorte de joie vengeresse me fit ajouter « J'attends M. Claude Barène. Il est chez lui, justement. »« Chez lui ? Vous êtes sûr ? » m'écriai-je. « Absolument. Appartement 213. Il est arrivé cette nuit. » Je dus faire un effort pour répondre sur un ton désinvolte. « Dans ce cas, je vais monter. Non, ne m'annoncez pas, ce n'est pas la peine, je suis attendu. » J'étais fou de rage. Ainsi, je l'avais raté, et sans cette sorte de préscience qui m'amenait au Claridge, il m'échappait. Je montai par l'escalier, arrivai dans la chambre et m'apprêtais à tirer, après avoir dit à Barène toute la haine que j'avais pour lui, quand vous êtes arrivé. Je ne vous en veux pas, puisque l'homme n'était pas Barène, puisque son cadavre se décompose dans les eaux du fleuve. « Assez !» fit Valdérez, que ce macabre discours emplissait d'horreur. « Assez !»« Maintenant, faites de moi ce que vous voudrez. Je n'ai plus de goût à rien. Ma vie a rempli son but. » Vous allez nous suivre. Quant à vous, mesdames, vous pouvez partir. Laissez-nous votre adresse. Régnier, je désire que vous veniez au commissariat signer votre déposition et que vous nous accompagniez à l'endroit où vous vous êtes débarrassé d'un cadavre assez encombrant. Il est vrai qu'il nous a ennuyés encore plus par son absence.